envoyé dans le monde entier. Page 74. Le soleil se lève sur Jérusalem. C'est un jour nouveau qui commence dans la joie de savoir que Jésus est vivant. Voilà 40 jours maintenant que Jésus est ressuscité et les apôtres savourent chaque nouvel instant passé avec lui. Et ils ne se lassent pas de l'écouter. Pourtant, Jésus n'est pas toujours avec eux comme il l'était autrefois. Désormais, il les laisse seuls, de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Cependant, il ne les oublie jamais et il leur apparaît régulièrement, mais sans les prévenir de sa venue. Un jour qu'il est avec eux, Jésus dit à ses disciples « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Palestine et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ayant dit cela, Jésus se lève, les bénit et il monte au ciel avant de disparaître dans une nuée. Et voici que deux anges arrivent. « Pourquoi regardez-vous vers le ciel ? » demande-t-il aux apôtres. « Jésus, qui est monté vers son Père, reviendra de la même manière ?» Quand cela sera-t-il ? Nul ne le sait. Mais les apôtres savent que Jésus est là, présent, même s'ils ne le voient plus. Ne leur a-t-il pas dit avant de partir « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quelques jours plus tard, alors que les apôtres sont tous réunis avec Marie dans le cénacle où ils aiment se retrouver, un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent envahit la maison. Les apôtres se regardent, affolés. Est-ce un orage? Un tremblement de terre? La fin du monde? Une sorte de feu apparaît alors. Il se divise en petites langues qui viennent se poser sur la tête de chacun des apôtres. Aussitôt, tous sont remplis de l'Esprit-Saint. Ils sentent une force nouvelle les habiter, un courage immense les pousser en avant. Transportés par cet amour brûlant qui consume leur cœur, les apôtres se précipitent dehors. Pierre fait sauter les verrous de la porte. Barthélemy ouvre toutes les fenêtres. Ils sortent dans les rues de Jérusalem. Sous l'action de l'Esprit, ils se mettent à parler dans d'autres langues. Or, des Juifs de toutes les provinces sont réunis en ce temps-là à Jérusalem. Lorsqu'ils entendent parler les apôtres, ils sont stupéfaits. Chacun les entend dans sa langue maternelle. Les apôtres leur annoncent la merveille de la résurrection de Jésus. « C'est un miracle !» disent les uns. « Ils ont bu !» ricanent les autres. Mais les apôtres ne sont pas ivres. Pierre s'adresse à la foule d'une voix forte. « Jésus, celui que vous avez crucifié, était le Fils de Dieu !» Dieu l'a envoyé sur la terre pour nous sauver, et il l'a ressuscité des morts pour que vous croyiez qu'il est le Christ, le Messie. Tous ceux qui sont là sont bouleversés. Les paroles de Pierre parlent à leur cœur. C'est plus fort qu'eux, ils savent que c'est la vérité. Alors des hommes et des femmes de toutes les régions demandent le baptême. Ils sont environ 3000, et à mesure qu'ils les baptisent, les apôtres comprennent les derniers mots du Christ. Allez! « De toutes les nations, faites des disciples, » disait-il. « Ils sont prêts. L'Église est en marche. »